Abidjan n'est pas loin. Abidjan pourtant est si loin. Parce que tu es là-bas, Inji. Mon Inji Koweït. Ata ele mote nanzelo ake Azala kiawa Akonisa ki bona moninga nanga Tongo banda etanaki Ata ele mote nanzelo ake Amole ki wapi Baba mani wapi Yaka kabo maa Matoyo belisaki Yaka kubukae Bamur ya baloko nangai Naboi nazala mara mara mboka bisengo romanji Uto atabatika ye Belili danji Bonjour ba memera kaye Moi bouquet de fleurs dans mon côté qui pend Entre ngai na paradis Elo na komina kati kati Bonia komi kokoma Oselu na mboko mangai Inji Voilà maman, est-ce qu'on pensera jamais ici? Voilà Zaka Olingini Nina Sala. Et alors, amour, ango, est-ce que ça y est? Akamouje, est-ce qu'on assure? Ecolo et belé, les kiaozo mitungi sa symphonaye. Avant NG dans mon cœur, il y avait de la place pour 5, 6, 7, voire 10 amours. Depuis qu'NG tu es venu dans ma vie, mon cœur paraît bien petit. Tenir tout l'amour que je te porte. Alingi ninya lobi ninyo salanini Osekate olobate ominganate Pourquoi toujonga Ikozwa kasinga Amour okuta kinga moto Oko myokende otikanga Izengi mawa Isimbi tristesse Lanzo to e buya ke lamba babo sananga ite awoko ke na marcoye enjinga moteme ko bongate akotika nanga kolela se moko loko yae olingo na yuya kina kongulunga eleme minga na moko ngwe komi ko ke nananga na banzela we na inana na lukakate mon pepe le kaka e kombela kanga lupango kasi yo banda ole kaolo na mbonge na mutema tanga yenji ko wete itoko ele ki okulule komisingai lokola analfabet bamura muri komi mpasie tangora nzembo nanga oyuele mu j'ai mis mon coeur olingo nanga na boyesuka lokola ndoto ya babai Les anciens et les alifés, y'a bonne année. Lai emele ampe Awe ransone Chibim pia la redi amisi Kala le lampe Gato bivens Mbili abele Chalamwana dee